La deuxième session plénière du 8e comité central de l'Union des travailleurs agricoles de Corée a eu lieu le 22 à Pyongyang en présence des membres du comité central de l'Union. On y a discuté les tâches des organisations de l'Union des travailleurs agricoles pour appliquer à fond les tâches de programme énumérées dans la lettre historique du dirigeant suprême Kim Jong-un envoyée aux participants à la 8e conférence de l'Union pour un rôle redynamisé de l'Union des travailleurs agricoles dans l'œuvre socialiste tutsi.